Allez, c'est parti pour l'atelier Jukepop. Quelle société veut-on? Alors, je rappelle le principe. On se réunit une fois par semaine pendant 2 heures pour réfléchir tous ensemble sur la société qu'on veut, c'est-à-dire la société idéale. On aborde les différents thèmes. On a abordé la question des enfants, de la jeunesse, de l'éducation, des droits, la question de la répartition des richesses et de la gestion des biens communs. On a, et puis actuellement, et puis d'autres thèmes. Actuellement, on est sur la justice. La semaine dernière, on a discuté de ce qu'on voudrait comme justice dans la société idéale, dans la société qu'on veut. Alors, on pratique un petit peu l'utopie et on essaye de construire les contours de cette société utopique. Alors aujourd'hui, je vous invite à venir participer. On va discuter donc des questions de justice. Alors on va commencer la séance, comme chaque séance, en faisant un résumé de ce qui a été discuté, ce qui a été dit la semaine précédente. Alors est-ce que Sylvain, tu vas nous lire l'atelier donc du l'atelier sur la justice le 27 novembre, c'est ça? Merci. Donc, je vais me prêter à l'exercice de cette lecture magnifique. Donc, nous avions vu en premier point, on a parlé de l'indépendance de la justice. Par rapport au gouvernement, si les ministères sont indépendants les uns des autres, la justice doit être au cœur du contrôle des citoyens. Apprendre à l'école le fonctionnement judiciaire et les droits et devoirs des citoyens pour mieux vivre ensemble. Penser en termes de puissance plus qu'en droit. Nous avons la puissance d'agir à condition de respecter celle de l'autre. La puissance commune, pardon, est plus que la somme des puissances individuelles. Le droit se limite trop souvent à ce qu'il nous est pas interdit de faire. Tous les avocats seront commis d'office pour que les défenses soient à égalité et ne privilégient pas les plus riches. Cela ferait partie du service public. Avocats, tous fonctionnaires, c'est une question qu'on pose. Séparer le pouvoir médical, psychiatrique, du pouvoir judiciaire. L'expertise sert à évaluer la responsabilité individuelle. Dans le cas d'une pensée par responsabilité collective, l'expertise est citoyenne et multiple. Reste au choix des sujets d'avoir recours à un soin psychique. Dans la société idéale, les psys ne seraient pas nécessaires. Ce serait le rôle de chacun, chacune et de l'ensemble de veiller au bien-être physique de la communauté et des individus. Le deuxième point dont on avait discuté, c'est sur la loi renseignement. On avait évoqué protéger les citoyens des géants de la donnée. Donc la justice vise à préserver les droits et les biens communs. Le numérique, en tant qu'il peut être considéré comme bien commun, pose la question de la protection des données. Anonymat dans les services commerciaux, les données ne doivent pas être utilisées à but commercial. Constitution d'un dossier personnel numérique dont le citoyen est propriétaire, santé, finances, formation professionnelle. Il peut choisir à qui il en donne l'accès et ne donner l'accès qu'à une partie de ce dossier. Formation continue sur l'utilisation des données et les risques associés. Le fait de numériser ces données doit rester au choix de chacun chacune et non pas devenir obligatoire pour avoir accès aux soins, aux formations, logements, etc. Maintien d'un dossier papier dont le citoyen reste aussi propriétaire. Possibilité d'une centralisation au niveau de l'État à condition que celui-ci soit sous contrôle citoyen, voire atelier sur le gouvernement. Nécessité d'une limitation internationale pour le contrôle des données. Et donc la question qui est ouverte, c'est comment on peut faire ça? Importance de conserver la possibilité d'identifier quelqu'un. L'identité publique doit être définie dans le strict nécessaire pour la bonne gestion de la société. Voir l'atelier sur les droits et bien vivre avec les autres, partie 2. Protection des lanceurs d'alerte, comment? Voilà, c'est une question qui est également, enfin qui est en suspens. Le troisième point qu'on a vu, c'était trouver un système pénal sans incarcération. On s'était posé la question, et on se pose toujours la question, l'avocat et le juge restent-ils nécessaires dans la société idéale? Délimiter l'atteinte des biens et l'atteinte des personnes. Pour l'atteinte des biens, pas de prison. Il faudrait que plutôt le ou la coupable rembourse ou répare le double de ce qu'il a volé ou détruit. Lorsqu'un crime, entre parenthèses, ou toute atteinte de personne en tant que ça ne peut pas être réparé, pardon, est commis, penser en termes de responsabilité collective plutôt qu'individuelle. Qu'est-ce qui a conduit à l'acte dans un environnement donné ? Responsabilité collective implique de faire attention les uns aux autres et non pas de se méfier les uns des autres. Une justice par procès sous forme de l'analyse des faits par l'ensemble des citoyens et les personnes mises en cause de façon locale, avec la responsabilité collective entre parenthèses. Débat et éducation populaire permanente sur la violence et sa gestion. Concernant les attentes des personnes, demander au coupable de quelle façon il pourrait se pardonner ce qu'il a fait. Travaux, formations, etc. Question toujours en suspens. La justice doit servir à guérir le système. Travailler sur la prévention et le passage à l'acte, comment faire ? Comment donner les moyens aux victimes de ne pas engranger l'envie de vengeance ? Et a-t-on vraiment besoin d'une instance judiciaire ? Voilà. Merci Sylvain. Ouais, bon, je le garde. Alors, donner aux moyens les victimes de ne pas engranger les prix de vengeance. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait, dans un premier temps, intervenir sur, voilà, sur l'idée, sur la justice, les formes d'une justice qui lui semblerait idéale ? Parce que je pense que la justice telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans notre société, elle est pas forcément parfaite et elle pose de nombreux problèmes. Alors est-ce que quelqu'un voudrait intervenir, dire quelque chose sur la justice qu'il voudrait dans cette société ? Puis après, on pourrait peut-être répondre à quelques questions plus spécifiques. Alors qu'est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Non ? Monsieur, vous voulez intervenir ? Oui ? Sur la justice, qu'est-ce que ce serait pour vous une justice idéale ? Monsieur ? Ou non, on n'est que des hommes là, c'est pas pratique. Ah, on a quelqu'un. Je vais commencer l'intervention. La première est toujours la plus dure, comme on dit. La semaine dernière, en fait, on s'était effectivement posé la question pour quelqu'un qui commet un meurtre entre guillemets de sang-froid et qui, en fait, dont l'explication n'est pas forcément environnementale ou il n'y a pas quelque chose entre guillemets que l'on peut expliquer. On avait cité des exemples de gens qui avaient vécu, qui avaient vécu plutôt dans de bonnes conditions, qui n'étaient pas forcément dans le besoin, qui n'avaient pas eu des traumatismes de l'enfance, etc., etc. Et qui finalement passent à l'acte quand même. Et on se posait la question avec eux, comment on peut faire, surtout si on est dans un système sans prison. On n'avait pas réussi vraiment à répondre à cette question, parce que c'est très compliqué du coup. De ce que j'ai essayé de, enfin dans ma réflexion, de pousser un petit peu avec un peu de recul, de toute manière, je pense que la communication, elle est essentielle, et il faut pas qu'elle se coupe. Et en fait, j'ai pensé un petit peu à, c'est con, mais au procédé qu'on fait par exemple avec les alcooliques ou les gens qui sont accros à quelque chose, et peu importe que ce soit accro au jeu, que ce soit accro à une consommation de drogues diverses ou de boissons diverses. Et en fait, je me disais que ça serait peut-être justement, il faudrait qu'il y ait un espèce de parrain ou une marraine qui, alors après je sais pas s'il faut qu'elle sache ou qu'il sache vraiment ce qu'a fait la personne, mais qui soit un petit peu cette espèce de parrain, comme on peut le trouver actuellement dans les groupes des alcooliques anonymes ou d'autres dépendances. Et je pense que c'est important et ça permet de garder un lien dans la société. Et je pensais à ça pour des premières pistes en fait. Oui, si les personnes qui veulent intervenir me font un signe et je prends les tours de parole. Et effectivement, par rapport à la justice, là, désolé, je viens d'arriver, je vais peut-être, faire un bond en avant. Moi, de mon côté, j'ai écrit un bouquin, un contre-attentat, et il y a un passage où je me suis posé la question de la justice d'aujourd'hui. C'est quand on a des hommes qui veulent se tuer et tuer d'autres personnes en même temps, la question de la justice se pose. Et c'est tout toute la justice entière visant la criminalité qui est complètement bouleversée. Aujourd'hui, on a une justice qui a un regard humain. C'est-à-dire, c'est une justice héritée de la Révolution, héritée des passages comme le bonapartisme ou comme le fascisme, qui essaie de se baser sur un regard humain des personnes. Et en fait, là où il y a un obstacle aujourd'hui, à ce jour, pour cette justice qui avant fonctionnait plutôt bien, c'est quand un homme et, ou des hommes sont prêts à se tuer pour tuer d'autres personnes. Comment les, comment les condamner ? On dit pas de peine de mort, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on on se démerde ? Et ce regard humain ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, effectivement, on voudrait remettre de l'humanité dans les prisons, des choses comme ça, mais quand on a en face de soi quelqu'un qui a un message profondément inhumain, cette base ne fonctionne plus. Donc voilà, moi j'avais posé la question de savoir, nous faudrait-il une nouvelle forme de justice ? Je voulais réagir à la question qu'a posée Sylvain. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des groupes de parole ou d'expression pour les personnes qui ont commis des crimes, afin qu'ils s'expriment, pour mieux déterminer ce qui s'est passé, les aider à prendre conscience de leur acte ? Ben, en fait, ça existe déjà. En France, entre autres, ça vient d'initiative américaine et je sais que ça se fait aussi en Suisse. C'est pour l'instant, c'est plutôt pour les violences familiales, conjugales, où ces personnes qui ont été condamnées pour un crime ou pour un délit ont la possibilité de s'exprimer entre eux, avec accompagnés par les psychologues, par les psychiatres, pour essayer de mieux comprendre leur acte et pourquoi, comment ils l'ont fait et quel est l'impact pour eux. Ces expériences, à ma connaissance, en France, sont relativement récentes, ce qui fait qu'il n'y a pas encore le recul pour avoir l'impact, mais c'est déjà tenté. Et pour une personne qui décide qui est prête à mourir pour aller tuer d'autres personnes, je pense que l'emprisonnement à vie est une justice poétique assez intéressante, puisque de toute façon, on l'oblige à vivre. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou intervenir ? Dans ce cas-là, je vais apporter une petite contribution. Il y a un article qui est sorti, qui concerne la justice, qui est sorti dans le Diplo de ce mois-ci, et qui parle justement des points que vous avez soulevés. C'est-à-dire, alors ils appellent ça la justice restaurative. C'est quelque chose qui est pratiqué, qui s'est développé au Canada, et qui se développe aussi en Belgique et qui est expérimenté en France, surtout depuis 2014, depuis la loi judiciaire 2014. Alors le principe, elle consiste à faire rencontrer des victimes et des personnes qui ont été jugées coupables et donc qui sont incarcérées pour des crimes. Alors actuellement, ils le font pour des crimes assez lourds, assez violents, c'est-à-dire des meurtres et autres. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des victimes et ils les font rencontrer des coupables qui sont incarcérés, mais pas pour le crime qui les concerne eux, mais pour un crime comparable. Et donc on a quelqu'un qui a par exemple assassiné un assassin qui est en prison depuis peut-être 15 ans et qui a une très longue peine à purger. Et ben on va le faire rencontrer une personne qui par exemple a perdu quelqu'un de sa famille qui s'est fait assassiner à peu près dans des circonstances comparables, et on les fait se rencontrer. On organise des rencontres c'est à des fréquences plus ou moins régulières, et ça permet en fait aux personnes, aux victimes, comme à ceux qui sont présentés comme les bourreaux, de se rencontrer, d'échanger, et ça permet aux bourreaux de se libérer dans une certaine sorte du mal qu'il a fait, et du mal qu'il porte aussi, de cette culpabilité qui est extrêmement extrêmement violente, extrêmement dure, et qu'il porte en prison. Et ça permet aussi à la victime de se reconstruire, c'est-à-dire d'avoir un entretien avec une personne qui a été jugée coupable et qui peut expliquer les raisons de son acte. Et c'est quelque chose qui apparemment fonctionne assez bien, qui a été mis en place, qui s'est développé au Canada, notamment depuis pas mal d'années, mais surtout, je crois, à partir des années 70, avec une remise en cause du système judiciaire tel qu'il était, totalement pénal et très vertical. Et c'est une remise en cause qui s'est faite notamment sous l'impulsion des populations autochtones qui sont en confrontation permanente avec cette justice. Et donc voilà, c'est une des solutions qui sont étrangères, une forme de contournement du système pénal actuel. Et ce qui est très important, alors évidemment, ces rencontres entre les victimes et des coupables, elle se fait par le biais de médiation. C'est-à-dire qu'il y a un médiateur, une personne qui a été formée à la médiation, et deux personnes de la société civile qui participent à ces rencontres. Et donc, voilà, c'est juste pour dire, vis-à-vis de ce qui s'est dit jusqu'à présent sur la justice, je pense qu'on n'a pas encore parlé réellement d'une forme alternative de justice, c'est-à-dire qui passerait par la médiation. Parce qu'actuellement, le système judiciaire, il est plus source de conflits que source de résolution en réalité des conflits. Donc voilà, moi je pense que ce serait bien qu'on réfléchisse aussi. Enfin, j'aborde l'idée de penser à une question de médiation pour remplacer dans pas mal de cas la justice. Voilà. Quelqu'un, si vous voulez intervenir, vous me faites signe. Juste en fait la semaine dernière on a un peu parlé, enfin alors c'est pas médiation mais en tout cas on était beaucoup dans essayer de trouver une solution ensemble et du coup de beaucoup plus porter ça sur la responsabilité collective plutôt qu'individuelle et enfin donc je pense que dans ce processus là il y a forcément de la médiation et ça va aussi donc enfin dans tout ce que tu as dit Sylvain ou même toi là avec les rencontres enfin je pense que c'est ça fait partie vraiment de tout ce qu'on a dit, les rencontres entre concernés, en fait, tous les gens concernés, et pas que, justement, même la communauté qui n'est pas a priori concernée, en fait, est peut-être concernée aussi. Donc on a quand même abordé ça, et juste pour dire aussi, je me rappelle qu'en fait, on était, parce que là, avec la médiation, tu me fais penser, en fait, qu'on était, on réfléchissait à la prévention, en fait. On s'était posé la question de la prévention, et il y avait, je me rappelle bien, donc à la fin de l'atelier, on avait terminé sur... Il y avait une question sur la prévention, en fait, un peu quelle est la priorité, la prévention ou la... pas la punition, mais voilà, vous aurez le mot à ma place. La prévention ou la répression, voilà. Et du coup, il y avait un débat, quelle est la priorité, etc. Donc, ça va un peu, je sais pas, tu vois, dans la médiation, est-ce que ça peut aller dans la prévention, dans aussi la résolution des problèmes, donc je sais pas. Voilà, c'était juste... Ce que tu es en train de me dire, en fait, ça me fait penser effectivement à, dans le monde de l'entreprise, oui, c'est ce qu'on dit, les préventions primaires, secondaires et tertiaires. Et actuellement, on fait que de la tertiaire, et la tertiaire, en gros, c'est les problèmes sont déjà arrivés et on essaie de trouver une solution. Mais on le fait pas non plus que dans l'entreprise, on le fait partout dans notre société, on le voit. Comment dire? Je vais prendre l'exemple des émeutes en banlieue, tout d'un coup tout le monde va se réveiller, ah oui effectivement il y a les quartiers qui sont là, etc. etc. Et puis on va faire des effets d'annonce, on va mettre plus de flics, on va ouvrir un commissariat, enfin bref. Et finalement on s'attaque pas au fond du problème. Et c'est vrai que dans la société idéale, du coup, je pense que entre guillemets la violence qu'on peut connaître actuellement plutôt, oui c'est ce qu'on disait. À travers les ateliers sur l'éducation, etc., etc. En fait, on serait vraiment sur une autre façon de vivre et qui, je pense, enfin en tout cas, idéalement, engendrerait moins de violence et moins de crimes ou de choses comme ça. Et ça, c'est effectivement, on serait sur de la prévention primaire, mais du coup, ça serait même plus de la prévention. Le but, c'est que ça devienne en fait naturel et que ça soit ancré et que ça. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une culture, mais que ça soit une façon d'être, une façon de vivre. Après, moi, je me rappelle, c'est ce que j'avais dit. Par contre, l'humain, il est des fois, il a des choses, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, on n'est pas non plus, on n'est pas sur des télécommandes, on n'est pas des robots. Donc c'est vrai qu'il y a, même dans une société idéale, il y aura toujours quelqu'un qui va péter un câble, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est vrai que là-dessus, je cherche encore des... je cherche encore une réponse que je ne trouve pas. Parce qu'on ne peut pas agir, entre guillemets, sur le cerveau, a priori. Voilà, moi, je ne suis pas trop pour les labos ou les boîtes de foire ou des trucs comme ça. Donc là-dessus, il faudra au bout d'un moment quand même faire des choix. Donc ouais, la prévention, ok, mais du coup pour le mec ou la femme, hein, peu importe, qui pète un câble, je suis toujours en attente, d'une réponse qui ne vient pas. Je sais pas si je peux répondre, mais en fait, il y a toujours, pour moi, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Enfin, je sais pas si c'est le coupable, mais ça c'est ce que je crois, ce que je pense, c'est mon avis. Mais pour moi, l'individualisme, en fait, il est pour beaucoup dans ce que tu décris. Et en fait, on cultive beaucoup l'individualisme en ce moment. Et du coup, je pense que voilà, dans une société, on cultiverait beaucoup plus le collectif. Déjà, ça réduirait ce genre de pétage de plomb, comme tu dis. Enfin, après ça c'est mon avis, je suis pas expert du tout ou quoi que ce soit, mais je pense que ça vient beaucoup de ce phénomène. Voilà, enfin c'est tout. Parce que voilà, tu m'as l'air un peu désespéré. Désespère pas. Non mais voilà, je sais pas, en travaillant sur le collectif ou. Mais ouais voilà, je pense pas qu'il y ait. Parce que oui, il y a toujours eu des mecs qui ont pété, ou des femmes, comme tu dis, qui ont pété un câble, on sait pas pourquoi. Alors même avant même qu'il y ait toute une société, comme aujourd'hui. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, on est dans une société où on est vraiment à un tel point de culture d'individualisme qu'on dans tous les cas, on pourra pas faire pire. On pourra pas faire pire en cultivant le collectif, quoi. Voilà. Je donne la priorité aux personnes qui n'ont pas encore parlé. Oui, sur ce point, la personne qui pète un câble, je trouve que moi ça me rappelle la discussion qu'on avait sur, pas ici mais en global, sur l'état de crise, l'état d'urgence. Et je trouve qu'il faut faire la distinction entre les cas les plus fréquents et les cas absolument exceptionnels. Je pense qu'on ne peut pas sécuriser, prévenir tous les risques, faire en sorte qu'il n'y ait jamais de problème. Mais je pense qu'on ne veut pas installer une norme pour les cas exceptionnels, parce que par définition, il y aura toujours un truc qui sortira de la norme. Et je pense que l'objectif d'un système de sécurité et de justice, c'est pas forcément de créer des normes pour parer aux cas les plus extrêmes, mais c'est de créer des normes pour parer aux cas les plus fréquents, et après accepter une part de choses incontrôlables, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on définisse toutes nos normes pour les cas les plus extrêmes, parce que sinon on arrive sur dans des sociétés complètement sécurisées, pour une portion absolument infime des actes. Voilà. Oui, alors pour revenir sur un point qui est fréquemment abordé, qui est la prévention. L'une des préventions, c'est la menace. Donc une fois qu'on se sent menacé, on n'ose pas forcément commettre un crime. Et on ne se sent plus menacé si on voit des injustices, si on voit des crimes qui ne sont pas condamnés. C'est le cas notamment de la corruption des élites. La corruption des élites est très mal condamnée. On l'a vu avec l'affaire Tapie, combien d'années il a fallu avant qu'il y ait une... Et encore, pour combien de temps? Donc, si les gens voient, par exemple, la corruption des élites ne pas être condamnée, ils se sentent moins menacés. Et du coup, ils se laissent plus rapidement divaguer. Donc, l'une des questions, c'est comment condamner les vrais criminels, ceux qui pillent, qui détruisent, pour garantir cette menace. Non pas de tous les citoyens, il ne s'agit pas de menacer tout le monde, mais de menacer les vrais criminels. C'est une prévention. Quelqu'un veut répondre, intervenir? Je pense que la question que tu poses, elle est aussi relative à la séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique. C'est que je pense que le problème qu'on a, c'est que la justice actuellement, elle est entre les mains d'une classe d'individus, mais de personnes qui sont quand même issues des classes supérieures, qui ont fait des études, et qui sont qui se retrouvent à être liés à la classe dominante, et ils sont intégrés à la classe dominante, donc ils défendent leur intérêt de classe. Alors désolé d'utiliser ce vocabulaire, mais c'est relativement compréhensible. Moi, ce que je regrette, c'est que la justice soit justement entre les mains des enfants des classes privilégiées qui deviennent avocats, juges et autres, et qui reproduisent la défense des intérêts de leur famille, de leurs copains de classe et autres. Alors que je pense que la justice devrait être plus entre les mains des citoyens, quelle que soit leur position dans la hiérarchie sociale. Tu veux réagir? Ouais, et à ce que tu dis, et puis ce que tu as dit un petit peu avant, et on en avait un petit peu parlé, mais on n'avait pas forcément développé, c'est qu'aujourd'hui, il existe, il existe d'autres sortes de justice, et cette justice populaire, aujourd'hui, elle existe dans certains pays, où il arrive quelque chose. Alors après, c'est par exemple dans des villages, etc. J'ai pas forcément de nom de pays en tête, mais en gros, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui vole une vache. Et donc du coup, en gros, c'est tu vas sur la place de la ville et donc il y a la personne qui accuse telle personne d'avoir volé la vache. Et après, il y a un espèce de, on va dire, de mini procès, de mini procès citoyen. Et après, c'est un petit peu le groupe de sages, ou en tout cas avec le chef du village, etc., qui se réunissent et qui prennent une décision et qui disent toi effectivement t'as volé la vache et moi donc tu dois repayer. Acheter une vache et une deuxième vache, quoi. Mais du coup, ouais, ça existe déjà. Mais du coup, je pense que c'est ça qu'il faudrait entre guillemets développer au niveau. Alors après, si on parle de ville, peut-être dans les quartiers ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que cette justice, moi, ce que j'avais appelé, je crois, si je dis pas de conneries, un peu la justice directe, quoi. On parle de la vente directe de produits, de biens de consommation, etc., etc. Bah, pourquoi pas la justice le faire en direct? Après, c'est la question que j'avais soulevée aussi, et après c'est au niveau national, quoi. S'il y a quelque chose, s'il y a un genre une affaire d'État entre guillemets, là après faut voir un petit peu comment ça peut s'organiser. Mais une autre justice, ouais, est carrément possible, et pourquoi pas prendre entre guillemets exemple sur des choses qui se font déjà et voir si on peut pas l'étendre avec plus de personnes. Je sais pas, voilà, c'est aussi une question un peu et un questionnement. Quelqu'un veut réagir? Vous voulez réagir, monsieur? Oui, vous voulez. Ah, mais vous voulez donner votre. Ah, bon, ben voilà. Donc, les gens sont plutôt d'accord avec. Le monsieur est plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Quelqu'un veut dire autre chose? En fait, dans l'idée, c'est que quelle que soit la forme que l'on va prendre comme système du système judiciaire, il apparaît quand même qu'il est très important que ce système judiciaire soit indépendant du pouvoir, qu'il ne doit pas être un instrument du pouvoir, afin d'éviter justement ces dérives de corruption et autres. Et là, c'est aussi un problème d'éducation qu'il va falloir faire auprès de la population, et en particulier auprès des gens qui nous dirigent, qui ont un peu tendance ces dernières années, enfin c'est pas nouveau, ça a toujours été, à faire des lois en intégrant quand même leurs priorités, leurs avantages, et en généralisant cette loi pour faire des normes sans tenir compte de la population, ou du bien-être ou de l'intérêt de la population. Par exemple, sur les proportionnellement, les petits vols et les petits délits sont bien plus condamnés que les grands cas de corruption, ou au contraire, il y a des dispositifs qui permettent de les protéger. Qu'on fait entre autres ces lois pour les lois qui sont en train d'émerger contre les poseurs d'alerte. Oui, merci Bruno. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ouais. On va faire un dialogue aujourd'hui. C'est pas grave. En fait, c'était pas vraiment sur ce qu'avait dit Bruno, mais de toute façon, tout est un peu lié. Tout à l'heure, la personne qui a parlé a dit, ouais, il faut pas qu'on ait une société entre guillemets qui soit dans tout sécuritaire. Je suis complètement d'accord avec ça, et justement, c'est vers ce quoi on va, quoi. Et dans ce côté, je vais revenir sur ce côté prévention, tout ce côté en fait avoir, d'avoir peur de l'autre. Déjà, si on le squeeze entre guillemets et qu'on a plus peur des autres et qu'on ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va le mettre ça comme ça. Si déjà ça on le fait vraiment, bah ça aussi ça pourra, je pense, éviter d'avoir un certain nombre de problématiques et apprendre à se connaître. Et en fait finalement, je me rends compte que tout vient de la base de l'éducation, quoi. C'est un truc de dingue. Mais voilà. Oui, l'éducation. En même temps, c'est aussi pour ça, c'est un des premiers thèmes qu'on a abordé dans l'atelier. C'est que oui, de toute façon, cette société, quand on se posera la question comment la construire, je pense qu'on parlera d'éducation. Mais pour répondre à ce que tu disais sur les questions des justices populaires, alors bien sûr, on trouve ça dans pas mal de pays, et notamment dans des pays où l'État a failli à un moment donné, et où il y a eu une nécessité de recourir à des tribunaux traditionnels, locaux, communaux et autres pour assurer un certain type de justice. Après, la question, je pense que ça aura toujours lieu, c'est-à-dire des personnes qui, en communauté, essayent de régler les questions de justice. Le vrai problème que pose la justice, je pense pas que ça se pose. Alors ça se pose à ce niveau-là, et ça concerne la résolution des conflits entre individus, entre groupes d'individus, entre familles et autres. Mais après, le vrai problème, ça touche au pouvoir. Et c'est pour ça que quand on parle de la justice dans la société qu'on veut, en fait, on est vraiment on touche à la base de ce qu'on de l'atelier, c'est-à-dire le pouvoir. Comment est-ce que on gère le pouvoir? À qui est-ce qu'on confie le pouvoir? Comment est-ce qu'on manipule le pouvoir? Parce que la justice joue un rôle extrêmement important. Et je parle notamment. Tu parlais des affaires d'État. Alors oui, les affaires d'État, mais aussi tout ce qui est crime de sang. Les crimes de sang, les affaires d'État de haute corruption, de trahison contre les intérêts de la communauté et autres, bah, tout ça, ce sont des choses qui sont beaucoup trop graves pour être délestées de toute question de pouvoir. Tout de suite, il y a le pouvoir qui rentre en jeu. Enfin, je prends par exemple l'exemple de la colonisation. Il y a pas mal de pays où la colonisation européenne s'est faite sur des accords passés entre les autorités les Européens qui avaient leur fort, qui avaient leur il y avait une puissance militaire disponible, qui avait une force militaire impériale et qui proposait aux chefs, notamment en Afrique, aux chefs des côtes, une protection militaire, mais contre le passage de certains accords qui étaient en grande partie des accords d'ordre judiciaire, c'est-à-dire pour les vols de vaches et autres, on vous laisse avec votre justice, mais dès lors qu'il y a crime de sang, qu'il y a question de conflit économique et autres, ça passera sur nos tribunaux. Et c'est comme ça que la colonisation s'est aussi faite. C'est-à-dire que la justice, le pouvoir judiciaire, à un certain niveau, elle est intimement liée avec la question du pouvoir. Donc voilà, il faudrait vraiment s'interroger sur pas seulement sur cette justice de résolution des conflits et autres, mais voilà, la justice dure, quoi, le noyau dur des questions judiciaires, et voir comment est-ce qu'on l'articule avec le pouvoir et avec l'idée de démocratie et autres. Ouais, quelqu'un va intervenir? Ouais. Ouais, non, juste deux mots dans le sens de pour aller dans le sens de ce que tu dis. En fait, c'est juste ça me paraît assez simple ce qu'on demande, mais en fait, une justice vraiment neutre, enfin en tout cas pas influençable par qui que ce soit, forcément. Et puis en fait, surtout, ça me fait penser surtout à s'interroger de ce qu'elle défend, quoi, profondément. Enfin, elle doit défendre. Alors, je sais pas, c'est pas une cause, elle va pas défendre une valeur, mais en fait, je me dis peut-être que ça part de là aussi, de qu'est-ce qu'elle défend de base pour et quel pouvoir elle a aussi, en fait, elle-même, en partant de là. Voilà, c'est juste sur la construction. Voilà. — Oui, vous parliez de la responsabilité collective et de la responsabilité individuelle. Alors bon, c'est vrai que dans la prévention primaire, pour garantir la justice, ça tient à énormément de choses. Ça tient aux dimensions culturelles, aux dimensions éducatives, aux dimensions philosophiques. Ça, c'est quelque chose de très complexe et en même temps passionnant. Pour parler de choses aussi plus pratiques et de là où on en est sur la prévention secondaire, juste pour illustrer certaines choses, pour qu'il y ait une justice aussi et pour que on puisse imaginer que des personnes qui sont en prison puissent se réintégrer, il y a énormément de choses pratiques aussi à faire, peut-être spécifiquement ici plus en France, pour avoir travaillé un petit peu en prison. Je crois que ça passe par des conditions de détention qui soient véritablement humaines. C'est tous les ans pointé comme étant un scandale, les conditions dans lesquelles sont enfermés les détenus. On ne voit pas comment, à ce moment-là, ils pourraient se réinsérer comme ce serait souhaitable. C'est aussi par rapport à la réintégration dans le travail. Les détenus gagnent un pécule qui correspond à un pécule, ce qui est dans les termes, correspond à un terme presque médiéval. Ça correspond à un dixième du SMIC. C'est pas possible à ce moment-là d'imaginer qu'ils puissent se réintégrer. Ça passe, à mon avis, par toutes ces choses-là. Donc la responsabilité collective, elle est aussi de garantir un cadre de détention qui soit convenable. On puisse imaginer que la justice s'établit véritablement aussi à l'intérieur de la prison et qu'on redonne une chance à ces détenus. Merci. Quelqu'un veut intervenir là-dessus ? Alors, je pense que... Pour rebondir sur ce qui a été dit, on a eu des interventions. Je vous invite à les réécouter. On a eu des interventions au printemps sur la question des prisons par la commission Prison par terre. Et ce sont des témoignages. On a eu des personnes qui ont témoigné, puis on a des personnes qui nous ont parlé plus longuement des questions de la prison, des questions inhumaines, des conditions de vie dans les prisons et voilà, c'est pour si vous voulez un petit peu plus d'informations là-dessus. Ouais, moi j'ai une idée là qui était en train de me venir à l'esprit. Quand on parlait des grands procès, etc. Et peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement, on a parlé d'éducation et qu'il fallait en parler, etc., etc. Mais sous cette question d'éducation, enfin moi il y a... Et je vous invite vraiment à le voir parce que c'est très intéressant. Il y a un type dont je me souviens absolument plus le nom qui est en train de refaire les procès de l'affaire Elf. Et en fait, c'est un intermittent du spectacle qui s'est fait passer pour un journaliste et qui a suivi tout le procès de l'affaire Elf. Alors moi, j'étais né, mais en tout cas, j'étais très petit, donc j'entendais juste ça aux informations et je savais pas trop ce qu'il en était. Et j'ai vu la première partie du spectacle il y a un an, je crois, et c'est vraiment exceptionnel en fait ce qu'il fait. Et en fait, ça montre un petit peu tout ce système politico-judiciaire et le fait que ça soit ça soit un seul acteur qui fasse ça, qui fasse tous les personnages. En fait, ça nous fait prendre une espèce de recul et en fait, on sort de là et on se dit, mais en fait, enfin, le système il est complètement pourri quoi. Cette façon de faire, de jouer, entre guillemets, je trouve que c'est bien parce que ça peut permettre d'avoir ce recul qu'on n'a pas forcément quand on est en plein dans l'information et que, en plus, toutes les semaines, il y a un truc nouveau et on est plutôt dans le zapping de l'info. Et pour moi, ça serait intéressant de faire ça dans les écoles, justement, et inviter même des adultes à refaire, en fait, et à rejouer des procès. Je pense que ça peut être très très intéressant et de s'obliger de le faire une à deux fois par an et je pense que ça peut servir après s'il se passe quelque chose comme on l'a dit à une échelle un petit peu plus importante ça peut c'est entre guillemets réfléchir aux erreurs du passé et si ça peut permettre d'exercer entre guillemets une meilleure justice après quand on a des choses alors oui tout à l'heure il y avait la notion de norme aussi qui est très intéressante et pour moi chaque entre guillemets affaire est forcément un petit peu différente mais il y a des liens qu'on retrouve forcément et je pense que ça peut être intéressant de le faire voilà mais pour ça mais pour d'autres choses on l'a déjà fait avec notre atelier apprendre à se connaître et à faire ensemble On avait également des simulations d'assemblée générale, etc., etc. Et c'était vraiment très très intéressant. Je pense que c'est dans la société idéale, ça serait une piste à pousser qui pourrait aider les citoyens à pas refaire forcément les mêmes conneries sur des grosses, là pour le coup, sur des grosses affaires. Merci. Quelqu'un veut réagir ? Du coup, c'est pour moi. J'essaye de mettre depuis tout à l'heure en fait dans la société idéale. J'écoute et tout, et c'est vrai que c'est. Je me rends compte que c'est très très compliqué d'imaginer une société idéale. Et moi, je considère que les coupables dans la justice, les coupables, ils ont tous été enfants et avec un certain côté innocent, et ils en sont arrivés là pour je ne sais quelle raison. Et je m'attarderai plutôt à essayer de comprendre. Et déjà, je pense que ces comportements, ils deviennent pas tueurs en série du jour au lendemain ou même voleurs de je ne sais quoi. Ça commence. Je pense qu'on peut avoir des signes bien avant. Et il faudrait pas catégoriser ces gens, mais plutôt apprendre à fonctionner avec et qu'ils puissent, dire ce qui les dérange et pourquoi ils ont envie de faire ce genre de choses. Voilà. C'est un peu brouillon, mais je le vois plus comme ça, personnellement. Qu'on puisse travailler sur le pourquoi j'ai envie de faire ces choses-là. Voilà. Ouais, je dirais que pour me placer un peu dans le même point de vue que toi, dans une société idéale, je crois que c'est ce qui a été dit de toute façon la semaine dernière, c'est dans la société qu'on veut, est-ce qu'il y aurait une institution judiciaire, est-ce qu'il y aurait un droit pénal et autres, parce qu'a priori on a beaucoup d'activités, beaucoup d'actes criminels, de délits et autres qui sont produits en réalité pas par forcément des individus qui étaient programmés à la naissance pour être des criminels, mais par la société et par les structures de la société qui font telle. D'ailleurs, on le voit alors à l'échelle planétaire, on voit bien qu'il y a des sociétés où le crime est extrêmement important. Prenons par exemple un pays, le Nigeria par exemple, où la criminalité, il y a de véritables problèmes de criminalité. Bah oui, mais le Nigeria, c'est un pays extrêmement violent, notamment socialement. La principale violence au Nigeria, elle est sociale. On a des gens extrêmement riches, un niveau de corruption extrêmement important, et on a une masse de la population qui est dans l'extrême pauvreté. Et ça produit du crime, ça produit des délits, ça produit toutes sortes de choses. Si on va dans un pays comme la Suisse, où la criminalité et autres, et les délits se limitent à l'accueil de certaines personnalités, pas forcément bien avec la justice de leur pays, mais ça se limite à cela, on voit bien que la criminalité et autres est beaucoup plus réduite, parce qu'on a une diffusion du pouvoir, une diffusion des richesses au sein de la population qui fait que les crimes, les délits et autres sont moindres. Après, la question, donc disons que dans la société qu'on veut, peut-être que la justice pénale et autres, elle n'aurait pas si elle devait exister, elle n'aurait pas l'importance et le poids qu'elle a actuellement dans notre société. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas de conflit ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de crime ? Je ne sais pas. Est-ce que la nature humaine, alors voilà, on revient toujours à ces questions de nature humaine, porte toujours des gens à un moment donné tuer. Mais on a les questions conflictuelles, c'est-à-dire deux personnes qui se battent pour rien du tout, pour un bout de pizza, et l'un qui pousse l'autre et il tombe mal et il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on punit? Est-ce que bon? Et puis il y a des conflits un peu plus durs qui peuvent donner des morts. On a des choses assez dures. Prenons par exemple la question de la conduite. Une personne qui s'alcoolise un peu trop, qui prend sa voiture et qui tue une famille. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Ça, c'est quelque chose qui, même dans la société idéale, ce sont des accidents, mais avec des personnes qui ont des responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cela? Donc, voilà, la question que je me pose, moi, c'est Est-ce que dans cette société qu'on veut, où on dirait que on a de la justice sociale, on a une bonne répartition des richesses, où on a une population qui est éduquée, qui est ouverte et autres, est-ce que on n'aurait pas toujours des crimes et des délits, des conflits, et comment est-ce qu'on les gère? Est-ce qu'on a réellement besoin d'une instance judiciaire? Ou est-ce qu'on peut passer outre? Bon, c'est la question qu'on se pose tous, que je repose une fois de plus. Tiens. Bah, c'est ouais, qu'il n'y ait plus de crime ou quoi que ce soit, moi, ça me paraît. Enfin, je pense que ça va être compliqué. En fait, c'est plus la transition. On vise un idéal et en fait, après, il y a la phase de transition et c'est ce qu'on fera à la suite de l'atelier. Mais c'est cette phase-là, en fait, qui est très très compliquée. Et. Moi, comme ça, je le vois réunir toutes les personnes que ça impacte, la chose qui est arrivée, réunir toutes les personnes que ça impacte et qui se sentent impactées et qui veulent participer, et que les gens puissent discuter ensemble de ce qu'ils veulent faire. Enfin, de voilà, comment ça les a touchés, qu'est-ce que ça leur fait dans leur vie, de quoi ils ont besoin pour être mieux. Tu vois, vraiment créer un espace d'échange fort entre les gens, pour que aussi les victimes soient amenées à comprendre que bah voilà, c'est horrible ce qui s'est passé, mais cette personne elle en est arrivée à fonctionner comme ça. Avoir un peu d'empathie pour c'est un peu dur ce que je vais dire, mais de l'empathie pour le coupable et la victime, enfin, qui est un échange entre les deux corps, on va dire. Ouais, c'est le principe de la justice restaurative dont j'ai parlé tout à l'heure, je sais pas si tu étais là. Ouais, je résume, en fait, c'est un système qui confronte des victimes à des coupables, mais ce sont pas sur un même cas, une même affaire. C'est-à-dire une personne qui a tué quelqu'un, qui est en prison, on va le faire rencontrer une personne qui a été victime d'un meurtre ou donc qui par une autre personne, et on les fait se rencontrer à l'aide d'un médiateur. Et en fait, ça permet à la victime comme au coupable d'échanger et justement de créer de l'empathie, et ça permet aux deux personnes de se reconstruire face à cela. Pour ma part, d'un point de vue plus élevé, on peut commencer aussi par condamner plus souvent celles et ceux qui font l'apologie du crime. L'apologie du crime, c'est l'appel à l'assassinat, c'est l'appel à commettre des attentats, mais ça peut être aussi des gens comme Nicolas Sarkozy qui ont réussi à accéder à un niveau très élevé en faisant l'apologie de la corruption, en faisant l'apologie du mensonge, en faisant l'apologie de la trahison. La trahison, c'est faillir à ses promesses. Je parle pas de petites promesses, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu pour avoir fait pour être capable de sortir des mensonges absolument incroyables. Comment condamner des gens qui font l'apologie du crime, l'apologie de la corruption notamment? Comme ça, parce que si tout le monde dit allez, on peut le faire, on finit par tous le faire. Donc comment mettre un cran d'arrêt à ces gens-là qui vont encourager le meurtre, encourager la corruption? Quelqu'un veut répondre à cette question? Ouais. Moi, je trouve que c'est une question intéressante aussi par rapport au fichier S, où on se posait la question comment on peut... est-ce qu'il faut punir avant qu'un forfait ait été commis? Je pose la question, est-ce qu'on pourrait légiférer aussi à ce niveau-là? Alors, trouver les sources de ceux qui font de la propagande, c'est une chose, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui consultent énormément ces sites? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui devienne interdit à ce moment-là? On arrive à rentrer dans un cadre législatif et éventuellement punitif des personnes qui pourraient, dont on suspecte qu'elles pourraient passer à l'acte. C'est quelque chose de très compliqué parce qu'a priori on condamne, on punit dès lors qu'on est passé à l'acte. Pour ces cas particuliers, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces apologies et cette consultation de sites qui font l'apologie du crime? Est-ce qu'il faut légiférer? Ce serait ma question. Ouais. Petit point technique, donc on est toujours à l'atelier du Pop, quelle société veut-on, on discute de la justice, et on a des boissons chaudes. Alors je pense qu'on va les mettre peut-être sur une table ou si c'est possible, voilà, elles sont là. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu froid, vous voulez une boisson chaude, allez-y, c'est libre service, vous êtes les bienvenus. Tu voulais intervenir ? Non, j'entendais, je me permets de piquer les propos de mes petits camarades qui sont derrière, mais c'est vrai que dans le film Minority Report, je crois qu'il est issu d'un bouquin, si je dis pas des conneries, en fait ils arrêtent les meurtriers avant. Donc tu veux continuer sur cette idée-là ? Non, parce qu'en fait, j'ai entendu sur LCP où justement ils étaient en train de. Ils avaient créé un logiciel pour essayer d'intervenir avant, mais j'ai pas tout suivi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est au courant de ça, où justement ils veulent intervenir avant. Et c'est dans l'idée de Minority Report. Bon, c'est pas Minority Report, mais ils ont créé un logiciel. Alors, je sais plus exactement et ils essayent d'intervenir avant justement que les gens y fassent. Alors, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne. S'il y a quelqu'un qui a entendu parler de cette histoire là, c'est. C'est assez on est déjà dans le futur quoi. Mais par contre c'est juste logiciel, donc je sais pas exactement comment avec essayer de trouver des cas, comment on peut déjà déterminer que quelqu'un est susceptible de je sais pas si quelqu'un qui a entendu parler de ça quoi. J'en ai pas entendu parler, mais vraiment ce que je vois beaucoup actuellement à la télévision, c'est les campagnes nationales contre le, alors je sais pas trop contre quoi c'est d'ailleurs, mais en gros pour éviter de se radicaliser, je vais appeler ça comme ça, et elle passe assez souvent en tout cas, et c'est vrai que c'est difficile parce que du coup ça pose la question un peu que pose Minority Report et peut-être le fameux logiciel là, si c'est le cas, c'est que du coup entre les personnes qui vont aller sur des sites, qui vont aller se renseigner etc, et qui vont entre guillemets passer à l'acte, il y a quand même un long chemin. Je sais qu'ici il y a des gens, bah, par exemple, qui sont allés se renseigner sur ce que dit Soral ou des gens comme ça qui sont un peu polémiques, mais ça veut pas dire forcément que bah tu es d'accord avec ce qu'il dit, c'est juste tu vas voir ce qu'il dit pour éventuellement le contredire et pour avoir un autre point de vue que le tien ou que voilà, pour essayer de confronter tout ça. Et puis bah des fois c'est intéressant aussi de savoir ce que les autres pensent, même si on n'est absolument pas d'accord avec eux. Donc après c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de normes et de sociétés qui devraient pas être tout à fait sécurisées, bah là-dessus ça rejoint un petit peu ça. On peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Après effectivement même si on est dans la bienveillance etc. Donc du coup ouais c'est encore une fois, moi je vois qu'à travers de l'éducation, qu'à travers du dialogue, j'ai pas d'autre solution comme ça. Et moi j'ai aussi un rôle qu'on n'a pas du tout parlé, c'est du coup le rôle de la police. Est-ce que la police rend une certaine forme de justice ou pas? Et dans la société idéale, est-ce qu'il y aurait une police? Je sais pas, je crois qu'on l'a jamais dit dans cet atelier d'ailleurs. On n'a jamais parlé de ça. Mais est-ce que c'est pas peut-être le début d'un truc, en tout cas actuellement quoi. Parce que c'est. Ouais. Enfin, en tout cas, ils sont là pour faire appliquer une loi, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Donc, du coup, quel est ce rôle-là ? Enfin, je sais pas. Je me pose des questions. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, sur la police, d'abord, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on dit que la justice, elle est liée au pouvoir, alors le pouvoir, c'est quoi ? C'est la police, quoi. C'est l'État. C'est l'exécutif, les policiers, ils sont sous les ordres du ministre de l'Intérieur et des préfets, du président de la République, tout ça quoi. Et après, si on écoute Foucault, que dit Foucault pour résumer de la police et de la justice, c'est que la justice, elle est subordonnée à la police. La justice ne fait qu'entériner les décisions de la police. C'est-à-dire la police enquête, la police arrête, la police envoie les gens devant les tribunaux et la justice valide. Alors voilà, c'est aller un petit peu vite, ça allait un petit peu vite, mais bon, voilà ce que dit Foucault aussi. Donc je pense qu'il a un peu réfléchi là-dessus. Après, il y a la question de Khaled sur Minority Report et les histoires du logiciel. Moi, ce que je sais, c'est que les Américains, ils ont développé, grâce aux algorithmes, depuis un moment, dans certains États, dans certaines villes, des systèmes de prévention par logiciel, c'est-à-dire qu'en fait ils ont du big data et pendant plusieurs années ils collectent des données, c'est-à-dire à telle heure il y a eu un règlement de compte autour d'une affaire de vente de drogue, de crack ou de je ne sais quoi. Et en fait, au fur et à mesure des années, ils se rendent compte que voilà, à telle date, donc quand il y a telle circonstance, ils rentrent en données. Ah oui, il y a de la drogue qui a passé la frontière normalement. Nous ont dit les stupes. Donc il va y avoir un afflux. Donc il va y avoir des guerres pour la vente de territoire de tatata. Ils rentrent tout dans un logiciel. Et après le logiciel, ben il leur pointe les endroits qui vont devenir chauds dans les 24-48 heures. Et donc, ils augmentent les patrouilles et autres autour de ça. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est en train d'être envisagé, mais concrètement, oui. Quand on fait du chiffre, à rentrer des données dans les ordinateurs, maintenant, on a des algorithmes qui permettent, en effet, de calculer, en fonction de cela, bah, toutes les... de prévoir d'une certaine façon. Alors, c'est pas totalement fonctionnel, je pense, mais oui, ça peut avoir une certaine efficacité. Le seul problème, c'est que ça dépend du travail en amont de la justice, de la police, c'est-à-dire la police, elle va aller arrêter telle personne, tel dealer à tel lieu, et ils vont rentrer les données. C'est pas certain que les policiers ils s'attaquent aux dealers aux personnes qui dealent dans Paris intramuros, notamment dans les beaux quartiers, et ça m'étonnerait que ces personnes-là, d'une part se fassent poursuivre et se fassent arrêter, et d'autre part finissent dans les données qui seront analysées par le big data. Donc au final, ça risque d'amplifier un peu plus le ciblage au préalable que fait la police. Et donc on est toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire l'action de la justice, l'action de la police, première dans nos États, elle sert à viser certaines populations et à faire du tout répressif, parce que je pense pas que enfin je pense que voilà la justice actuellement c'est plus un outil de répression, d'oppression au service de l'État et des institutions que une justice telle qu'elle est formulée dans le dictionnaire. Ouais. Non, juste il y a une mode en fait aussi en ce moment, c'est par exemple on avait vu ça pour la route. Puis on pouvait, par exemple, mettre un radar dans notre voiture. Alors, je voulais juste qu'on parle un peu de ça, peut-être, et voir peut-être ce qu'on peut modifier ou aller dans cette direction ou pas trop, justement. Il y a pas mal cette mode-là, ouais, de faire intervenir le citoyen comme si c'était un peu la police. Voilà, dites ce que vous avez vu, agissez. Vous pouvez aussi vous faire justice, en fait, c'est un peu ça. Mais aux États-Unis, en fait, encore pire, avec maintenant il y a carrément des applis où on peut voir où habitent les criminels. Enfin, on peut tout savoir quasiment. Voilà, c'est fiché, c'est public, et peut-être pas dans tous les États, etc. Mais c'est pareil là-bas, c'est dans le sens si vous le voyez avoir un comportement suspect, voilà, n'hésitez pas et tout. C'est juste, je pensais à ça dans ce qu'on a dit. Voilà. Ouais, la délation, en fait. Ouais, c'est-à-dire, ce serait parce qu'on parle de démocratiser en fait l'appareil judiciaire, toutes ces choses-là, mais démocratiser un appareil judiciaire, c'est quand même ça pose aussi des questions, parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'en saisir pour ubériser entre guillemets la justice, l'enquête, le travail de la police, et oui, ça peut être un travers, ouais. Oui, je prends la parole. Bon, je ne sais pas si je serai dans le vif du sujet, mais bon, à tout écouter, il y a des petites choses qui me sont venues à l'esprit. Donc, par exemple, quand on parle de la police, dernièrement, les policiers étaient dans la rue. Je ne pense pas que c'était simplement pour leurs conditions de travail, mais c'était peut-être aussi pour aborder le fait que, par exemple, s'ils auraient une envie d'aller arrêter un dealer dans les beaux quartiers, peut-être qu'ils voudraient bien le faire, mais malheureusement, d'en haut, ils ne peuvent pas. Donc, peut-être que s'ils auraient... les citoyens qui pourraient leur permettre d'agir un peu plus sur le terrain, peut-être qu'ils le feraient. Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que bon, je vois par exemple l'État, ce que j'appellerais les multinationales, et nous, les citoyens. Donc, je pense qu'au sein de l'État, parce qu'on a parlé des ministres frondeurs, tout ça, donc les frondeurs, pour moi, pour ma part, maintenant je ne sais pas si je suis dans le faux, c'est des personnes qui ne sont pas 100% d'accord avec ce que pensent les hommes d'État au-dessus d'eux et qu'ils aimeraient éventuellement agir autrement. Mais simplement, comme ils ne sont pas suffisamment en nombre, ça ne passe pas. Et donc, il faudrait peut-être amener le nombre pour qu'on puisse crever un abcès qui, à mon avis, est partout. Bon, voilà. Oui, merci. Ça, en fait, ça rejoint un peu ce que disait Jérôme, et c'est aussi ce qui m'est apparu en fait en écoutant la première session sur la justice, c'est que on est à la justice. En fait, c'est un idéal, c'est une institution extrêmement importante, et puis c'est aussi un moyen. C'est-à-dire que si on change l'appareil judiciaire, on change les lois, on change les façons de faire, en fait, on active une machine qui va transformer en fait la société. Donc voilà, pour dire, c'est ce qui m'est venu à l'idée, ce qu'a dit Jérôme, c'est que vraiment, on parle de la justice, dans quelle société veut-on, société idéale, mais en fait, se pose vraiment la question de la transition. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on peut s'imaginer, oui, la justice dans le monde idéal, il n'y aura pas de justice, il y aura ci, cela. On peut parler des problèmes que rencontre la justice aujourd'hui. Et après, on a vraiment la question de qu'est-ce qu'on met dans l'entre-deux. Est-ce que la justice ne serait pas justement, ce ne serait pas un thème à vraiment aborder sérieusement dans la deuxième partie de l'atelier, qui sera celle de comment est-ce qu'on y arrive, c'est-à-dire comment s'appuyer sur l'appareil judiciaire pour réellement atteindre la société qu'on veut. C'est-à-dire, je dirais, la justice dans la société qu'on veut, c'est plus un moyen qu'une fin. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression voilà, c'est comme ça un peu que je le perçois. On a eu une intervention là-dessus d'ailleurs de quelqu'un qui nous invitait à changer, à démocratiser la société et autres en s'appuyant sur l'appareil judiciaire, sur les lois, en prenant alors après ce qu'il disait c'était il fallait qu'on se mette les juges, les avocats et tous les autres avec nous pour combattre les corrompus de l'État, tu vois, les Sarkozy dont tu parlais tout à l'heure. Bon après moi je doute pas mal que les gens qui sont actuellement dans les institutions judiciaires soient vraiment de notre côté, mais bon, j'en sais rien. Mais voilà, je vois plus la justice comme un moyen que comme une fin. Quelqu'un veut je parle beaucoup aujourd'hui en fait. Ouais, dans ce que tu disais. Enfin, moi, j'avais noté. Enfin, pendant que je prenais des notes, en fait, j'avais noté effectivement la notion tout à l'heure je sais plus ce que j'avais noté. C'était l'injustice, en fait. L'injustice, en fait. Et je me rends compte que il faudrait dans la société idéale. Mais alors là, je vais peut-être très très loin. Mais du coup, redéfinir complètement ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est injuste. Et donc du coup, à partir de ça, mais j'en reviens toujours au même, c'est la base hein, pour moi. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, un truc qui est injuste pour quelqu'un n'est pas forcément pour l'autre. Et donc du coup, mais c'est pareil, je sais pas s'ils mettent des normes aussi, mais je pense qu'on, dans la société idéale, on trouverait beaucoup de moins de choses injustes en fait. C'est con ce que je dis, je me rends compte, mais c'est pas grave. Mais en fait, il faut casser ces barrières ces barrières et ces normes en fait. Faut faire la révolution de tout ça. Non, justement, c'est pas du tout con ce que tu dis, moi je trouve, parce que c'est là tu pars dans la société idéale, quoi. C'est vraiment est-ce que au final on a besoin de savoir ce qui est juste ou ce qui est injuste? Est-ce qu'il y a une définition propre? Ça c'est juste, ça c'est pas juste? Je sais pas. Et du coup, c'est pour ça que moi je disais, ça serait bien que tous les gens qui ont été impactés par l'acte qui a été commis se concertent entre elles, et là c'est elles qui vont définir ensemble ce qui est juste et ce qui a été juste et ce qui a été injuste pendant cet acte là moi personnellement je le vois comme ça. Après faut essayer quoi. mais c'est vrai qu'après sinon, si on commence à débattre de, ouais, tu vois, les ministres, ils font ça, les ceci, les cela, bah là, on n'est plus dans la société idéale, on est encore en train de regarder ce qui se passe en ce moment. Et c'est la phase de transition. Et ça, ça c'est ça qui va être très compliqué. Mais déjà, réussir à définir quel fonctionnement serait idéal, en fait. Et voilà. Juste, oui, j'étais pour dire, j'étais tout à fait d'accord que pour être, enfin, je pense qu'il faut pas s'attarder à essayer de définir la justice et l'injustice, parce que on tombe rarement d'accord en fait. Et du coup, oui, enfin, je crois. Après, c'est voilà, c'est, je crois que le comme tu disais, la réflexion collective, en fait, au moins produira une justice pour le cas, quoi. Vu que, enfin, voilà, comme tu, c'est une décision collective, et du coup, il y aura une justice pour l'instant. De l'instant, quoi, et qui, bah, qui est renouvelable à chaque fois, et ouais, qui en fait qui voilà, qui sera redéfini à chaque cas, en fait. Enfin, il n'y a pas une justice fixe, enfin, voilà. En tout cas, je pense que c'est bien intéressant de ne pas partir dans ce sens là et plutôt de à chaque fois analyser chaque cas, et que chacun, chaque groupe, c'est vrai que dans ce que dit Sylvain, c'est pas mal, mais chaque groupe établisse sa justice. D'ailleurs, j'irais même plus loin, y a pas, je dirais plus, à chaque fois j'insiste, mais j'irais plus que les gens impactés, quoi. Enfin, moi, pour moi, ça m'étonnerait pas de voir même des gens qui n'ont rien à voir, en fait. Et juste des gens de la ville, même s'ils n'ont aucun impact avec l'affaire. Parce que, voilà, après, tout défend l'affaire, peut-être, tu vois, voilà, je sais pas. Non, justement, c'est vraiment pour ça que j'ai dit, et qu'ils se sentent concernés. Tu vois, juste la personne qui se sent concernée par ce qui s'est passé, bah, elle peut venir et elle peut donner son avis, tu vois, sur ce qui... Après, sur des crimes à très grande échelle, c'est, là, il y a... Voilà, c'est très compliqué à mettre en place. Donc, faut y réfléchir. Mais dans un premier temps, moi, je trouve, sur des petits actes à la con, tu vois, je sais pas, un mec qui vole des... Enfin, voilà, des ados qui volent des iPhones ou des trucs comme ça à la Fnac, bah, voilà, tu au lieu de lui dire, ouais, bah, tu vas faire ça... Bah, essayer de dialoguer avec avec des gens, quoi. Je vais rebondir sur l'exemple de la FNAC pour éclaircir mon opinion de tout à l'heure. C'est bon, effectivement, la FNAC apparemment ne pratique pas l'évasion fiscale, mais imaginons que la FNAC fasse de l'évasion fiscale et que, en plus, ce n'est pas illégal. Au moment où les jeunes vont voler ce DVD, on va dire, ils vont dire, bah oui, mais regardez, vous nous condamnez, mais vous les condamnez pas eux. Donc, c'est pareil pour les braqueurs de banque ou les voleurs de riches qui volent les colis en or ou les... Donc, on a une nécessité d'avoir, de penser avant tout la justice à grande échelle, plutôt que de penser à comment juger les petits crimes ou les petites... parce que sinon, on envoie un message comme quoi les injustices ne seront pas condamnées. C'est pas grave. Oui, quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit ou ajouter quelque chose ? À toi, t'as beaucoup parlé déjà. Non, c'est bon, vas-y, viens. Sylvain, viens. Alors, je voulais juste signaler que la semaine dernière, on m'avait dit que je faisais plus grand-chose, donc du coup, maintenant, je parle tout le temps. Non, je voulais dire, en fait, c'est bien parce que je me contredis et c'est ça qui est formidable. Enfin, je me contredis pas vraiment, mais dans toute cette notion de, en fait, qu'il faut pas définir le juste justice injustice, je pense qu'il faudrait quand même un truc un peu. Je pensais à un truc à la con, c'est le code dans Pirates des Caraïbes et le code dans Pirates des Caraïbes, le code des pirates, en fait, un truc qui est là mais qu'on utilise un peu quand ça nous arrange et c'est un peu rock'n'roll. Et il faudrait quand même des espèces de principes généraux à la con, un peu comme ce qu'on avait défini, genre pour il faut que chacun ait un toit, de l'eau, de l'électricité, etc., etc. Il faudrait quand même, il y a un principe, quoi, c'est, enfin, le tu ne tueras point, un truc comme ça, enfin, un truc, c'est, bon, c'est, ça paraît tellement évident et c'est tellement con à dire que il faudrait quand même que ça soit mis. Alors après, ça peut être mis de façon artistique, avec du pop, avec un truc à la peinture à l'arrache, tu vois, ou gravé dans le marbre, j'en sais rien, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, il faudrait, ouais, je pense qu'il faudrait quand même des espèces de trucs quand même universels. Alors je sais pas, on refait les droits de l'homme, du citoyen, mais à notre façon, quoi. Voilà, dans la société idéale. Ouais, bah ça avait été dit, je crois, dans le quand on parlait du gouvernement, c'était redéfinir ce qui est sacré, parce que, enfin, ce qui est, ouais, on va dire primordial. Après, c'est moi là, personnellement, comme ça, je pourrais pas le définir, mais c'est, il faudrait réussir à définir ça. À quoi on peut pas toucher. Je pense qu'il y a certaines choses auxquelles on sera tous d'accord. En fait, si on en discute ensemble, on sera tous d'accord. Il y a des choses qui sont primordiales. Oui, enfin, on a les 10 commandements, on a la charte du Mandingue, on a la déclaration universelle des droits de l'homme. Et disons que c'est pas mal, mais après, la grande question, enfin, je reviens toujours là-dessus, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire que c'est bien qu'on ait des grands principes sur lesquels on est tous d'accord, mais après, on les applique ou on les applique pas? On les applique comment? Et là, on a réellement la question du pouvoir qui se pose. Donc, voilà, la justice, ouais, c'est ce que je voulais dire. Enfin, les grands principes, moi, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, on peut être tous d'accord sur quelque chose, mais voilà, on est d'accord sur. C'est bien, ça permet de faire corps à un moment donné, mais à l'intérieur même de ce corps, et plus largissera, tu as des conflits qui vont apparaître. Et puis il y a des gens qui vont dire oui, moi je suis tout à fait d'accord pour ne pas tuer, mais c'est pas grave, je vais payer un mec pour commettre le crime à ma place, quoi, je vais commanditer. Donc bon. Opposition radicale. Bah ouais, parce que dans la société idéale, il n'y aura pas d'assassin. Pas d'assassin de métier, je veux dire. D'ailleurs, on l'a pas dit. Donc, note sur le cahier, dans la société idéale, il n'y a pas d'assassin de métier. Comme il n'y a pas d'avocat de métier, comme il n'y a pas de juge de métier, etc. etc. Ouais. Bah. Ou alors, si c'est pas écrit dans un espèce de code, peu importe, de manifeste, etc., que ça soit un truc. Mais on en revient toujours pareil, hein. On tourne un peu en rond là-dessus, mais c'est pas grave. Mais que ça soit un truc éducatif, quoi, enfin, qui soit transmis aux gens, un truc qui est pas forcément marqué quelque part, mais que tout le monde sait, quoi. Après, oui, le définir, ça pourrait prendre des années et des années à le faire, mais si on prend le truc, tu ne tueras point. Après, c'est tout est. Après, tu remets en. Là, on remet en cause, est-ce qu'il faut écrire, pas écrire, est-ce que la tradition orale, finalement, persiste et continue. Mais bon, dans la tradition orale, le truc, c'est qu'on perd souvent ces petits, ou en tout cas, ça peut être interprété à une certaine façon, etc. Enfin, tu me diras, même l'écrit, ça peut être interprété, en fait. Mais, ouais, je sais pas. Mais ça me paraît quand même important, sur certains points, que ça soit dit quelque part. Pas forcément écrit, alors, dans ces cas-là. Mais après, je sais pas si dans Pirates des Caraïbes, il y a vraiment un écrit. Il faudrait revoir les films, en fait. Bon, alors ce soir, on se tape les trois ou quatre et on regarde. Mais non, c'est... La question là qu'on avait dit là dans dans le truc que j'ai lu au début, c'est... Effectivement, je me rends bien compte, et tu as reposé la question. Pour moi, en fait, il n'y aurait pas d'instance... ou de profession entre guillemets, pour moi ça devrait pas être linéaire, c'est à dire qu'effectivement sur les trucs locaux, on l'a dit, revenir à une justice entre guillemets en direct, mais après le reste, en fait, c'est comme si, en fait, c'était des gens qui faisaient autre chose, et quand il se passe quelque chose, en fait, bah ils vont se mettre entre guillemets dans une position d'avocat ou de jury ou de peu importe, mais c'est pas quelque chose qu'ils devraient faire tout le temps, en fait. Parce que comme on l'a dit, dans la société idéale, de temps en temps, on pourra pas faire en sorte que ça soit le monde des bisounours non plus. De temps en temps, il y en a un qui va péter un câble. Et dans ces cas-là, bah, c'est soit on fait entre guillemets du de la participation où on tire des gens au sort, enfin j'en sais rien, mais en tout cas que voilà, qu'il n'y ait plus cette professionnalisation comme on en parle. Et ça, c'était pour répondre à ta question, parce qu'on pose beaucoup de questions et finalement on arrive à très peu à trouver de réponse, c'est un peu chiant. Je m'excuse pas avoir suivi tout le débat, mais oui, j'étais la semaine dernière, donc bien sûr, puis je connais un peu le sujet, donc je peux raccrocher. Je pensais seulement à... On parle beaucoup du niveau des peines et le type de peine, etc. Et je pense que la délinquance devrait être traitée un peu comme l'éducation, je pense à certains pays, je pense à l'échec scolaire et au Danemark, où l'échec scolaire n'existe pas, on peut le dire, et pour cause, lorsqu'un problème surgit, dès qu'il est perceptible, on se penche dessus, on s'en occupe, on tâche de résoudre. Je pense pour la délinquance, c'est un peu il faudrait un traitement très individualisé pour pouvoir un peu rectifier le tir, à court terme en tout cas. Voilà. Merci. Quelqu'un veut réagir ? On est toujours à l'atelier EducPop, on réfléchit à la société qu'on veut et plus spécifiquement à la question de la justice. Qu'est-ce que serait la justice, comment serait appliquée la justice, comment serait structurée la justice? Est-ce qu'on aurait ce qu'on appelle la justice, une justice dans cette société que l'on veut? Donc je vous invite à participer et puis à nous donner votre avis. Voilà, quelqu'un veut dire quelque chose sur comment il verrait la... On peut reprendre le papier, ouais. Attends. Est-ce que je l'ai... Il est là. Non, on se posait, il y avait quoi? Il y avait trois questions, là. La justice doit-elle servir à guérir le système? Donc travailler sur la prévention et le passage à l'acte, comment? Alors guérir le système, la justice pour guérir le système, moi je pense que c'est, ça on l'a vu, ouais, bon, voilà, mais je pense que ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire moi je vois la justice beaucoup comme un moyen de transformation que plus que, qu'un idéal en soi. Et donner les moyens aux victimes de ne pas engranger l'envie de vengeance, comment faire pour ne pas provoquer, pour réduire ou ne pas empêcher d'engranger un esprit de vengeance chez les victimes de crimes, de délits et autres. Donc je pense qu'il y a une question, moi je pense qu'il y a une question qui est liée à la médiation, et aussi est-ce qu'on a réellement besoin d'une instance judiciaire? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole sur sur l'institution judiciaire, ouais. Bonjour. Merci de me donner la parole déjà. Donc, je m'appelle Marius, puis je travaille à France Terre d'Asile, mais je vais parler comme mon nom aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'une instance judiciaire. C'est essentiel dans toute démocratie, dans tout état de droit. On en a besoin. Après, comme tu as dit dans ta question, il y a toujours le problème de la vengeance, parce qu'on ne sait pas trop si on est au confluent entre des règlements privés, donc auteur contre victime, ou sinon si c'est l'État qui réprime l'acte d'infraction. Mais faut essayer d'adoucir le débat. Oui, on a besoin d'une instance judiciaire. Après, faire prendre conscience à la victime, ou plutôt à l'auteur de l'infraction, que ce qu'il a fait, c'est répréhensible par la loi, et donc un juge est là pour appliquer la peine. Après, c'est sûr que si on ne veut pas se donner les moyens... Enfin, tout à l'heure, je discutais avec les gens du Génépi, de l'OIP à côté, et du Génépi, parce que c'est leur week-end sur les prisons. Et c'est vrai que si on ne veut pas donner les moyens à la justice en France... On continuera toujours d'enfermer, toujours d'avoir des conditions de surpopulation carcérale odieuses, affreuses, et ne pas permettre un véritable lien entre l'État, la justice, les victimes et les auteurs des infractions. Parce que clairement, il y a moyen à travailler là-dessus sur une meilleure réinsertion, notamment dans le but d'éviter toute dérive sectaire, j'ai envie de dire, et je ne vise pas que la radicalisation islamiste, il y a plein d'autres dérives qu'on peut rencontrer en prison. Donc déjà, faire respecter le droit des détenus pour qu'eux, ils se sentent en sécurité, respectés. Également, respecter les droits des victimes pour que, j'ai pas envie de dire marcher main dans la main, parce que comme tu as dit, l'idéal de toute justice, on aimerait que tout le monde soit joli, tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, c'est pas possible. Mais au moins, que chaque partie travaille ensemble pour permettre un meilleur établissement, que ça soit des peines ou que ça soit par exemple de la contrainte pénale, et ne pas enfermer à tout va pour quelques raisons que ce soit. Enfin voilà, on sait que c'est dangereux de fumer du cannabis, de boire de l'alcool et de prendre le volant derrière, mais voilà, travailler sur d'autres points de législation qui pourraient être plus importants. Notamment, on sait qu'il y a pas mal de personnes enfermées à cause de la consommation de cannabis en France. Et ça, déjà, le gros débat sur la dépénalisation, beaucoup la souhaitent, des sociologues, des médecins, des députés. C'est dommage que le projet n'ait pas été adopté pendant la mandature de Hollande. Il n'est pas prêt d'être adopté, je pense. Mais déjà, sur certains points, pour permettre une évolution des mœurs, une évolution de la société. Puisque, comme je dis, l'idéal de toute justice n'existe pas. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Donner son avis sur la justice. Qu'est-ce que serait, au final, la justice, cette instance judiciaire, s'il doit y avoir dans une société, la société idéale ? On fait un atelier utopique, en fait. C'est quelle société veut-on ? Donc, on essaye de se projeter et de réfléchir à qu'est-ce que ce serait. Donc, toi, tu penses que que par exemple le système en place n'est pas fondamentalement mauvais, mais qu'il manque de moyens, que la justice, que déjà le principal problème, c'est qu'il y a des lois, il y a des dispositifs, il y a beaucoup de choses qui sont en principe mises en place, mais qui n'ont aucun moyen. Alors, t'as posé la question de la criminalisation, de la consommation. Alors, je ne sais pas si c'est toujours criminalisé la consommation, mais en tout cas là. C'est un délit, voilà. Mais bon, je dirais qu'après, faire commerce et cultiver tout ça, je pense que ça doit être encore de l'ordre du criminel. Et est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est de l'ordre de... On criminalise une partie de la société. Est-ce que le processus qui serait bon serait de décriminaliser un certain nombre de pratiques Mais dans ce cas-là, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui bloque à la décriminalisation de la société ? Je sais pas, je pose la question. Tu vois. C'est hyper vague, mais en fait, c'est presque une question de culture, etc. J'ai pas du tout d'éléments, mais j'avais déjà vu qu'apparemment en France on a vraiment une histoire lourde avec le cannabis, en fait, et du coup historiquement aussi on aura vraiment du mal à aller contre, quoi. Enfin, en tout cas c'est logique qu'apparemment on soit un peu en retard, mais j'en sais pas plus, hein, si quelqu'un en sait plus sur notre histoire avec le cannabis qui nous dit. Mais même de manière plus générale, parce que là on parle de ça, mais il y a peut-être d'autres actes, en fait, enfin, j'en ai pas en tête comme ça, mais... Même de manière plus générale, c'est vraiment une question de culture, en fait. De culture et d'habitude. Et c'est des choses qui, forcément, mettent des années à changer, en fait. Mettent 20, des fois 20, 30, 30 ans, 50 ans, enfin un siècle. Après, je pense qu'on rejoint ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Ça veut dire qui dirige la justice et du coup, dans quel sens elle va. Et du coup, pourquoi elle prend pas encore ces décisions-là. En fait, pourquoi elle est pas cohérente, du coup, en fait, c'est ça. Elle est pas cohérente avec la réalité du terrain, donc... Je pense qu'on rejoint ce qu'on a dit au début un peu. C'est qui la tient et qui décide de ce qu'on fait, quoi. En fait, je vais dire une grosse bêtise, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Non, je me disais, dans la société idéale, justement, vous parliez de cannabis. Pourquoi tout le monde fumerait pas du cannabis, en fait ? Ça calmerait peut-être un peu les gens. Après, oui... Je pense qu'on a fait pas mal le tour, en fait, du sujet. C'est vraiment très complexe. Mais voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions qu'on s'était mis dans le compte-rendu là qu'on avait fait, s'il y avait d'autres questions en suspens. Il y avait le rôle des avocats, mais je pense qu'on y a répondu en disant qu'il n'y aurait pas d'avocat de métier finalement et que c'était et ça serait des commis d'office. Mais je crois qu'il y avait certaines autres interrogations, si je me trompe pas. Ouais, il y avait la question, on avait parlé des lanceurs d'alerte. Voilà, bon. Après, bon, moi, je sais pas si dans la société qu'on veut, il y aura besoin d'avoir des lanceurs d'alerte. Et je pense que les lanceurs d'alerte seront libres de lancer toutes les alertes qu'ils veulent. Hein. Et je pense qu'on sera tous des lanceurs d'alerte. Ce serait un réflexe citoyen, exactement. Et, et un système pénal sans incarcération. Comment est-ce que toi tu vois ce que ça, à quoi ça ressemblerait un système pénal sans incarcération? Un système pénal sans incarcération. Ah ben, ça ressemblerait à un hôpital, ou plutôt un hôpital au sens large, ça ne veut pas dire réduit dans des locaux, mais des gens que, sur lesquels on se penche pour essayer de résoudre les problèmes et non pas... La prison les aggrave systématiquement, on le sait, donc c'est à abolir tout simplement. Même si on n'a pas le système idéal pour gérer tout ça, il nous reste à l'inventer, mon Dieu, on en est bien capable. Voilà. Oui, donc il y a beaucoup de choses... Il reste à inventer beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Elle reste à inventer, pas que là-dessus. Toute notre société est à réinventer, me semble-t-il. Mon Dieu, elle porte si mal qu'il serait temps de le faire. Alors, oui, il est dans le thème, mais comme beaucoup de gens, souvent, il est un tout petit peu en avance, c'est-à-dire ce sera la deuxième partie de l'atelier. Ce sera qu'on reprendra tout ce qu'on veut, en fait. On aura fait la synthèse de la société qu'on veut, on aura un peu les contours, et on réfléchira à comment atteindre ces objectifs, comment inventer de nouvelles choses, de nouveaux outils, de nouvelles structures et autres, en réfléchissant tous ensemble sur la place... toutes les semaines et puis plus si possible. Une autre question, l'avocat et le juge restent-ils nécessaires dans la société idéale? Est-ce qu'on a besoin d'avocats et de juges dans ce qui serait une société idéale? Je pose la question. C'est pas, non, personne n'a... Ça demande réflexion, c'est pas une question légère. Ah bah non, oui, je sais, non, mais on pose plein de questions qui demandent réflexion avec réponse directe à chaque fois, c'est pas facile. Hein. Peut-être que les notions même d'avocat et de juge sont à revoir. La notion du juge, qu'est-ce que le juge? Celui qui tranche, qui condamne ou qui absout? Et l'avocat, c'est celui qui le défend, mais qui défend quoi? Pour moi, c'est peut-être un concept qui peut être dépassé. On peut avoir une autre vision par rapport au personnage, aux faits, etc., à la société. Pourquoi faudrait-il quelqu'un qui soit à l'accusation, un autre à la défense? On peut peut-être sortir de ce système. Merci. Oui, bah, si on prend le... Donc, si je reprends ton idée sur les lanceurs d'alerte, dans ces cas-là, pourquoi pas, on est tous plus ou moins des avocats en puissance, et on pourrait être son propre avocat, j'ai envie de te dire. Ou éventuellement, si on s'en sent pas capable pour diverses raisons, on peut effectivement avoir ce qu'on disait avec les avocats, soit ce qu'on appelle actuellement les avocats commis d'office, mais en tout cas, je sais pas, dans une certaine population où il y a la possibilité de faire avocat s'il y a besoin à un moment donné pour assister quelqu'un qui s'en sent pas capable, ou alors le dossier est très complexe et il a besoin d'aide. Mais pour moi, la notion d'avocat, c'est pareil, elle sera complètement floutée. Et pour moi, on est tous des avocats, puisque il en faudrait dans tous les milieux. Du coup, comme ça, tout le monde est expert, entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est ça. Et juge, on l'est tous plus ou moins aussi. Donc ouais, il faut complètement sortir de ces barrières, en fait. Et c'est ce qu'on disait, la professionnalisation, entre guillemets, de la justice, pour moi, elle n'a plus lieu d'être. Et quand on dit ça, il n'y a plus de juge, il n'y a plus d'avocat. Enfin, de profession. Après, c'est nous, le peuple. T'as dit un peu ce que je voulais dire, mais c'est bien parce que en fait c'est moi qui avais proposé, enfin c'est moi entre autres, mais qui avais proposé par exemple que les avocats soient tous commis d'office, pourquoi pas, parce que pour éviter les injustices tout simplement, les différences, etc. Mais là j'aime bien parce qu'en fait tu élargis encore plus mon imaginaire, et du coup effectivement pourquoi en fait on serait bloqué dans un rôle, et pourquoi en fait un groupe de personnes ne ferait pas les deux rôles en même temps? C'est-à-dire, ou même juste, tout simplement le rôle de juge qui, en fait, lui-même, le rôle de juge, enfin, après, on peut en discuter, mais le rôle de juge, est-ce qu'il n'incarne pas justement le rôle d'avocat et d'accusateur? Enfin, du coup, lui, il essaye de faire les deux et puis de faire le juste milieu. Donc, est-ce que un groupe de personnes ne peut pas faire tous les rôles, en fait, et pas justement se concentrer sur la défense et du coup, forcément aller au conflit, en fait? Alors que là, ça resterait encore une fois un travail collectif pour aller dans le même sens et pas pour absolument gagner, en fait. Hein, parce que là, quand on va dans un procès, c'est pour gagner, quoi. Et enfin, voilà, déjà, c'est vrai que du coup, on est sur une mauvaise base, quoi. Enfin, là, rien qu'en en parlant, voilà. je reviens au concept de l'avocat et du juge. Avocat, pourquoi faire ? Avocat, c'est très clair, c'est par rapport au texte, il tâche de faire son travail à travers ce filtre. Donc forcément, si les textes évoluent, sa profession en soi évoluera. Et donc, personnellement, je me fais l'avocat du diable, si j'ose, puisque je dis que, personnellement, moi, je me sens pas d'autre boulot que celui d'avocat. Je suis de juge, je m'en sens complètement incapable. Néanmoins, je reviens, qu'est-ce qu'un avocat ? Défendre quoi ? Qui ? Comment ? Défendre pour défendre, ça vaut pas. Défendre pour comprendre ou comprendre pour défendre, là, ça me plaît un peu plus. On sort un peu peut-être du rôle de l'avocat. Je pense que tout ça va évoluer, je l'espère en tout cas. C'est trop carré, trop en phase avec notre monde qui n'est plus en phase avec nous-mêmes. Voilà. Ouais, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut repenser la justice, c'est pas seulement repenser les moyens qu'on lui donne et ou alors les rapports de force qu'elle peut avoir avec d'autres institutions, c'est-à-dire le pouvoir financier, la police, l'exécutif et autres, mais je pense qu'il faut réellement repenser dans ces bases mêmes la justice, comment on organise un tribunal, comment est-ce que... repenser à comment est-ce que moi ce que je pensais c'était que la justice c'était aussi une façon de régler les conflits en fait. Et donc ce serait plus comment est-ce que quelle structure on se donne pour régler les conflits entre les individus, entre les groupes et entre les différents intérêts. Parce que je pense que c'est ça aussi, il faut aussi considérer que les dynamiques dans la société, elles dépendent en fait du conflit conflits entre les intérêts de tel ou tel individu, tel ou tel groupe, et donc la justice telle qu'on la pratique. Alors aussi une chose qu'on n'a pas dit, c'est on parle de la justice là à place de la République. Respublica, les structures judiciaires qu'on a en France et autres, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont héritées du droit romain. On est quand même sur quelque chose de très identifiable, avec un pouvoir fort, centralisé, hiérarchisé, qui est au service d'une oligarchie ou d'une aristocratie sénatoriale qui est installée à Rome et qui est impérialiste aussi. Donc voilà, cette structure judiciaire dont on a hérité, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de cet État impérial romain qui, en effet, à un moment, a été une république sénatoriale et qui est devenue ensuite un empire très centralisé et totalement antidémocratique. Donc voilà, il faut aussi réfléchir à ça, quand on remet en cause la justice, on ne remet pas n'importe quelle justice en cause, c'est pas la notion de justice, c'est réellement une institution qui est héritée, qui a un héritage profond, ancien et lié à une certaine pratique du pouvoir. Donc je reviens à la nécessité de réinventer notre monde. Et donc je pense, par exemple, pour ces problèmes dont on traite, tomber la justice derrière, en toile de fond, il s'agit tout simplement quand même des problèmes de délinquance et de criminalité dans notre société. Et pour les régler, il me semble qu'un grand ministère des sciences sociales et politiques serait plus à même d'être efficace que la justice telle qu'on la connaît. Je reviens encore à la problématique réinventer notre société sur des bases bien plus solides et efficaces. Excuse-moi, tu peux préciser un grand ministère des sciences sociales et politiques. Et alors, il ferait quoi ? Ce serait quoi sa mission ? Il ferait de la recherche sur le terrain afin d'identifier clairement les problèmes et leur trouver des solutions. Cela demanderait de gros moyens, bien entendu. En fait, ça reviendrait à attribuer un ministère, enfin une forme de pouvoir, attribuer du pouvoir à ceux-là même qui, parce qu'on a on a beaucoup de gens dans les universités, des sociologues et des gens dans l'associatif et autres qui ne sont pas du tout des universitaires, qui travaillent sur ces thématiques sociales, de délinquance, de problèmes de précarité, de criminalité. de la société et qui, alors évidemment, on peut les lire dans certains journaux, on les voit deux minutes à la télé une fois tous les six mois, mais ces personnes-là ne sont absolument pas entendues par le pouvoir, elles ne sont pas reçues dans les ministères, et c'est vrai que voilà, c'est une proposition intéressante, un ministère des sciences sociales, de la recherche en sciences sociales et politiques. Voilà, un ministère qui pourrait produire des rapports et définir des politiques. Tout à fait, définir des, en tout cas des chantiers hein, à mettre en œuvre. Je dis bien identifier les problèmes, les causes et comment apporter des solutions. Et si les gens s'y mettent, les gens d'ailleurs qui sont sur le terrain et de près, on en trouverait rapidement des solutions. Oui, et puis au final, ça allégerait beaucoup les tribunaux. Hein. Hein, ça alourdirait les impôts, mais ça allégerait les tribunaux. Bon, enfin, nos impôts, on va dire qu'on va... On a parlé de la gestion des richesses. Bon, je pense qu'il y a de l'argent à certains endroits. Il suffit d'aller le prendre là où il est. Il n'en manque pas, en effet. Même trop. Quelqu'un veut intervenir? On est à l'atelier Duc Pop. On s'interroge sur la société qu'on veut. Donc c'est un atelier plutôt utopique, un travail d'utopie. Et on réfléchit à la question de la justice aujourd'hui. Donc la question, c'est quelle serait la justice dans la société idéale, dans la société qu'on veut. Alors n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, vous me faites signe, je vous donne le micro. La justice sociale, ouais. Ouais, la justice sociale, c'est-à-dire, c'est quoi la justice sociale? Qu'est-ce que tu entends par là? Tous le droit au logement, ouais. Ouais. Droit au travail, sans conditions financières. Tu veux pas prendre le micro? Ok, d'accord. Non, non, mais je répète un peu ce que tu dis, par contre. Ouais, les droits, ils s'achètent pas. Les droits fondamentaux, quoi. Droit au travail, au logement, la santé, toutes ces choses-là. Ouais. Il faut pas le micro. Ouais. Donc ouais, la gratuité, ouais. Ouais. Système social où il n'y aura plus de... Où il n'y aura plus d'argent. D'accord. Alors, la justice, la société qu'on veut, la justice, elle sera conçue comme sociale. Avant tout, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on... parce qu'en fait, on parle de justice. Alors, tu parles de justice sociale. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce point. Tu veux rebondir? En fait, je crois que justement, alors je me trompe, hein, mais je crois justement que tu essayes de donner ta définition d'une justice. Voilà, et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, chacun peut dire non, mais la justice c'est ça d'abord. Et d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec la cause que tu dis, mais du coup, là, on était plus sur la justice en global. Et enfin, en global, c'est le système judiciaire, voilà, en lui-même, en fait, et donc, pas en termes de. Du système judiciaire en lui-même et pas en termes du coup d'effets sur la société. Enfin, mais c'est très intéressant de. Mais voilà, du coup, c'est marrant que là on est l'exemple que justement, quand on dit justice, on c'est normal, on a envie de définir sa justice, quoi. Voilà, c'est juste. Mais vas-y, tu veux rebondir? Le système judiciaire, non, mais le système judiciaire aujourd'hui. Ouais, il traite. Ouais. D'accord. Tu dis que le système judiciaire, en fait, ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il traite surtout des histoires d'argent, c'est-à-dire des crimes pour des histoires d'argent, de la criminalité financière, des magouilles en tout genre, et on est toujours sur la recherche de l'argent, en fait, la recherche du profit par tous les moyens possibles. Oui, et donc la question, c'est, on s'était posé la question, c'est dans la société qu'on veut, est-ce qu'il y aurait de l'argent ou pas ? Est-ce qu'on fonctionnerait sans argent, sans besoin d'avoir plus que l'autre ? Ouais, tu demandes c'est quoi la cause des problèmes actuels. Ah, t'as mené ton enquête et alors ? D'accord, et l'argent tu... Ouais, il y a des salaires à minima, des salaires... Tu veux pas parler dans le micro, ça en fait, j'ai un peu du mal à reprendre tout ce que tu dis à chaque fois. Ah, tiens, vas-y. Ouais, c'est dommage que tu veuilles pas parler dans le micro, mais bon, après, c'est tu fais comme tu veux, bien évidemment. Et moi, je voulais juste te répondre, du coup, c'est que je suis d'accord que l'argent, c'est aujourd'hui, c'est le centre. Pourquoi on conclut ça, c'est que c'est le centre de notre vie, genre, c'est vraiment tout. Il n'y a pas une journée sans qu'on pense à l'argent. Oui, mais bah, du coup, laisse-moi finir. Je vais te dire par rapport à ça. Donc, dans un certain sens, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais si ton raisonnement s'arrête au fait que c'est l'argent qui est la cause de tous nos problèmes, et du coup, si on supprime l'argent, on n'aurait plus aucun problème. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord dans ce raisonnement-là, tu vois. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, si on supprime l'argent, si l'argent était venu à être supprimé du jour au lendemain, je pense pas que tout le monde serait joyeux et tout le monde serait heureux, tu vois. C'est que je pense que c'est un mécanisme beaucoup plus complexe. Et oui, sûrement une société sans argent serait plus convenable, on va dire. Mais c'est pas pour ça. Je pense que l'être humain n'a pas attendu d'avoir l'argent pour se taper dessus. Moi, je pense que c'est un peu... Tu vois, je raisonne plus comme ça. Ça m'étonnerait que... Enfin, avant, quand il n'y avait pas d'argent, à mon avis, il y avait des conflits, il y avait des meurtres, il y avait des trucs... voilà. Mais bon, j'étais pas là, je sais pas, mais ça me paraît évident. Oui, on parle de la justice dans la société qu'on veut, à l'utopie, quoi. L'utopie, d'accord, bon. Ok, alors, bonjour, hein, bon, on va aller très vite. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute. Bon, alors, la justice, on parle déjà, je reprends le discours de Jérôme, je sais pas s'il m'écoute. J'ai entendu parler de bonheur, d'utopie, et je ne suis pas d'accord du tout avec ces termes-là, parce qu'ils nous conditionnent jusqu'à la mort. Le bonheur, une obligation, et la justice, un droit, etc. Mais pourquoi le bonheur, ce serait une exigence inéluctable, c'est-à-dire quelque chose à laquelle on se plie comme un but final? Quel bonheur, alors là on parle dans des discussions sans fin. Moi je parle plutôt du malheur, c'est un phénomène tout à fait naturel. Le bonheur c'est peut-être une utopie, un but, mais pas une réalité. Le malheur, il nous forme, il nous aide à grandir et donc à éviter le problème du bonheur. Si on prend le malheur et le bonheur comme des choses qui sont en relation, et qu'ils nous font avancer, c'est acceptable. Mais qu'on s'en fasse comme un but essentiel, c'est une erreur dans mes principes. Voilà. Alors, si quelqu'un veut me démontrer que le bonheur est bon à attendre, qu'il me le démontre. On va essayer d'avancer sur des choses plus concrètes. On a toujours dans la vie du malheur et du petit bonheur. Mais le bonheur, comme on l'imagine, et si on parle en plus d'utopie, c'est-à-dire un paradis terrestre sur la terre, il y a un malentendu, parce qu'on est déjà dans ce paradis terrestre et bien sur la terre. Mais on ne le sait pas, on n'en profite pas. Le malheur nous empêche d'en profiter, puisque c'est négatif. Et en réalité, tout ce qui est vital est positif. Voilà, cela nous amène loin comme discours, et je ne vais pas monopoliser la parole, au moins que quelqu'un me demande de continuer. Merci de votre écoute. Oui. Non, mais c'était juste, en fait, ce que posait un peu comme question, je crois, le monsieur, au final, c'est un peu ce que j'ai posé comme question tout à l'heure, même si ça contredit ce qu'on disait en disant que on devrait peut-être faire justice à chaque cas en collectif et que du coup, il n'y aurait pas forcément des valeurs défendues, mais en même temps, là, c'est la question un peu que pose le monsieur, en fait, qu'est-ce que défend la justice fondamentalement, quoi, en fait, et... Mais ça, je sais pas, parce que ça reviendrait peut-être à définir du coup la justice, et on repart sur le truc de tout à l'heure, et je sais pas si c'est possible. Du coup, là, il y a vraiment un choix, parce que même moi, je sais pas, je suis entre les deux. C'est vrai qu'il y a cette idée, quoi, de définir ce qu'elle défend, et peut-être que par là, effectivement, on peut avancer, mais en allant comme ça, il y a aussi l'idée que voilà, on va dans un sens et pas dans un autre, du coup, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Du coup, voilà, pourquoi aller dans un sens? Peut-être prendre les affaires et les juger une par une, mais je sais pas, c'est très brouillon, hein, voilà. Sur le bonheur, le malheur, j'ai pas trop de. Laisse-moi réfléchir. Hein. pour répondre à ce que tu dis, moi je suis d'accord avec ce que tu dis et c'est vrai que c'est important. Mais ça en vient à accepter en fait le malheur. Juste accepter que ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait il faut échanger. Il faut échanger avec les gens pour comprendre que ça nous arrive pas que à nous et on n'est pas la seule victime qui existe. C'est on non, on va pas faire un dialogue, on est là pour faire parler tout le monde. non, mais voilà, je voulais juste dire ça. Je pense que ce serait peut-être bien qu'on fasse une séance dans l'atelier à laquelle société veut-on et puis qu'on définisse un peu le bonheur. Qu'on réfléchisse, qu'on fasse une fois une session sur. Non, mais c'est pas pour faire. Je dis pas ça pour faire plaisir à Ulysse, hein. Vraiment. Non. on a déjà fait un moment où on a défini la journée idéale. Serait quoi la journée idéale où on s'approchait un peu de cette question du bonheur. Mais ce serait bien qu'on en reparle à l'occasion d'un atelier, d'une séance une fois. Ah bah vas-y, je te repasse le micro, tu peux m'en parler un peu plus si tu veux. Mais essaye de nous donner ton avis sur le système judiciaire, si tu peux. Voilà. Bon, on va passer au thème concret. Hein. Alors, tout de suite, comment est-ce que tu as terminé là? Tu as dit... La sagesse populaire. La sagesse populaire qu'on n'apprécie pas du tout, hein. C'est la bêtise des gens qui, quand ils n'ont rien à dire, ils annoncent des dictons. Par exemple, à tout chaud, à tout malheur, quelque chose est bon. Voilà. Le malheur est bon. Le malheur, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Évidemment, si on les fouille, c'est très mauvais, puisqu'on les fouille. Mais si on l'affronte et qu'on en fait une force motrice pour être content de l'avoir résolu, c'est tout autre chose. Alors, on parle de la justice. La justice, pour moi, j'ai eu un débat avec mon père, qui a vécu très longtemps, et qui n'était pas d'accord quand j'ai dit, mais pour moi, la justice et la morale sont la même chose. Il m'a dit, non, les droits, c'est les droits, et la morale, elle rentre pas dans le droit. Il a fait du droit, évidemment. Et pour moi, non. Le droit, c'est le droit réel, matériel, comme la morale. La morale, ce n'est pas une règle de vie abstraite, une tradition, etc., ça se résume très facilement en disant si tu es moral, tu peux avancer, si tu es immoral, tu guances. Tu ne respectes pas les règles, mais les règles concrètes, non pas les règles imposées, choisies. Hein. Mais là, ça nous amène très très loin. Et alors, gérant la parole, mais quelqu'un qui m'avait montré que la différence entre la justice et la morale existe, qui me le montre? Voilà. Alors, je vois que vous êtes très intéressé à ce que j'ai dit. Merci. Vous ne voulez pas parler à ma place? Alors, tiens, il n'est pas là, Caleb. Bon, alors, on continue. La justice et les droits. Alors, le mot droit, déjà, il faudrait l'analyser un peu, puisque les droits donnent la droite. Et alors, la droite... Ah bon, d'accord. Alors j'arrête, pile. Bon, droit nous donne droite. Et droite, c'est déjà déformé parce qu'on sait ce que ça veut dire. On l'oppose à la gauche. Gauche, droite, l'une pour l'autre. Mais j'entends ici un discours de gauche unique. Et discours unique ne vaut pas grand-chose. Voilà. Et comme le discours unique de droite ne vaut pas grand-chose non plus. Mais on sait qu'il y a derrière ces mots des déviations dues à l'histoire. Et aujourd'hui, cette opposition entre droite et gauche, ici sur la place, je l'ai éliminée rapidement, mais personne, je crois, m'a vraiment bien compris. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se lave les visages? Et on insistait que j'avais faux. Comment est-ce qu'on se lave les visages? Avec une main ou avec deux? Répondez-moi, monsieur. Comment tu t'appelles? Allez, reprends la glace. Avec une main, bravo. Je vais te voir à l'œuvre. Hein? C'est la mauvaise foi, ça. Hein? Voilà. Hein? Dans mon pays, on dit une main, lève l'autre. Tous les deux, lave le visage. Ok. Oui, hein? Oui, mais la sinistre évoque les sinistres. Hein? Et les sinistres, c'est dangereux. Bon, il y a une vieille histoire derrière tout ça. Alors, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ma place? Hein? Oui. Sébastien, très bien. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le système judiciaire actuel est à changer? Le système judiciaire actuel est à changer? Et si oui, que proposes-tu? Alors, je propose quelque chose de formidable. Je propose ce que tu vas proposer pour le remplacer, le système actuel. Voilà. Si tu as mieux à proposer, fais-le. Hein? Pour moi, il est parfait. Il est parfait parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est vivre et résoudre le problème. Hein? Ce n'est pas penser qu'on va le résoudre. C'est de l'immédiat. Et de l'immédiat, tu n'as que ça, tu as le système actuel. Se tu refuses l'actualité, tu refuses la réalité. Et alors là, tu pars dans la belle utopie magnifique, hein, pour aller contre le mur. Ok? Voilà. Non. Non, mais juste pour répondre, dans l'atelier, on c'est volontairement utopique, donc c'est normal. Donc voilà. Donc on n'hésite pas, on n'a pas peur, oui. Désolé si ça... Les hypothèses, elles sont bonnes pour nous faire avancer en tant que... Si elles sont vraies, on va plus loin, et si elles sont fausses, on les quitte. Mais si on insiste pour aller là où on ne peut pas, eh bien on va dans un cul-de-sac, c'est tout. Hein? Il faut être réaliste avant tout. Mais ça, c'est difficile aujourd'hui d'en parler, puisqu'on est encore dans la dichotomie, dans la matière d'un côté, l'esprit de l'autre, hein? Quand l'un vaut l'autre, sont la même chose. Mais ça, je crois que c'est difficile à comprendre s'il n'y a pas une explication très très longue. Et ce n'est pas le moment. Je vois qu'il y a des gens qui sont pressés de parler, de prendre ma parole. Mais si vous me la laissez largement, hein, les droits, la justice, en parlons-en. Hein, puisqu'il n'y a pas de choses parfaites sur Terre, puisque la perfection n'existe pas, la justice ne peut être qu'imparfaite. On peut la modifier, on peut la faire évoluer, mais sera toujours imparfaite. C'est ce qui est imparfait, c'est le justiciable. Moi, si on me fait un procès, si je ne me corrige pas, c'est nul. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'individu qui est juste ou injuste. S'il ne peut prendre conscience de ses problèmes, de ses erreurs, hein, on est tous d'accord, mais de là à reconnaître ses fautes, hein? Voilà. Non, non, il faut rester debout, surtout la nuit. Alors, pour venir à la position, Camille, puisque tu évoques la position, il y a une contradiction fondamentale dans le mouvement La Nuit de nous, la nuit debout. Alors là, ça sauve tout. Hein? Tout le monde se sauve. Hein? Alors, il y a les principes. Allons, allons, allons. Il ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas. Oui, vas-y. Oui, donc on va conclure. Donc on va conclure sur cet atelier magnifique et sur ces mots magnifiques. Alors on parle pas de nuit debout, éducation populaire, Ulysse. Bah oui, non mais ça fait juste depuis le mois de mars qu'on le lit, mais c'est pas grave. Donc du coup, Ulysse, merci. Alors, il faut que tu nous fasses une conclusion, Ulysse. Alors, à nuit debout, j'ai entendu à droite comme à gauche, dans les sens de la place, non pas les sens des partis, que l'horizontalité est un principe respecté. Bon, passez votre nuit debout en état horizontal. Horizontal veut dire sans dormir. Voilà-y. Allez, c'est fini. Merci pour cette conclusion sur l'atelier Quelle société veut-on, justice partie 2. Donc la justice est horizontale. C'est n'importe quoi. Merci pour tout. On va arrêter cet atelier. On est censé avoir une performance artistique de Pierre. Je sais pas si Pierre veut prendre le micro, annoncer ce qu'il veut faire, je ne sais pas. Mais donc voilà, merci à tous pour l'atelier. À dimanche prochain, a priori 14h sur la place, ou 15h, je ne sais pas encore. 14h sur la place, mercredi prochain, pour continuer donc notre atelier Quelle société veut-on ? Merci à tous. J'ai dit mercredi ? Donc c'est dimanche. Merci de suivre.